ce mercredi dans Assemblage requis. Le retour de la chronique politique de François Landry, les sorties culturelles de Sébastien Dulude et la chronique technologique CNX. Oh, et Kiwan va sûrement réussir à placer un mot ou deux sur quelque chose de pertinent. Assemblage requis, mercredi, 15h.